Les belles rencontres. Oui, bonjour, je me présente. Je m'appelle Anne Bergeron, artiste peintre. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous présenter un artiste peintre d'une grande virtuosité connue à travers la province, qui s'appelle Stuart Main, un artiste de Bishopton dans la région de Dodwell, qui, par sa maîtrise de l'huile, peint des paysages aux couleurs de notre terroir. Ben, bonjour Stuart! Bonjour Annie! Bonjour! Alors c'est un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui, merci encore. Il y a bien longtemps que vous avez commencé votre carrière de peintre, que vous faites aussi partie d'organisations artistiques et que votre renommée est maintenant bien établie. Mais comment c'est arrivé le tout début que vous avez commencé à peindre? C'était quoi la motivation? Quand j'étais jeune, j'étais à l'hôpital. Oui. Puis j'étais à l'hôpital pour 8 ans. 8 ans? 8 ans solides. Ah oui. Puis on n'avait pas d'autre chose à faire. C'est tout ça qu'on a commencé à dessiner. OK. Copier des comics, puis il avait la main. OK. Quand vous étiez à l'hôpital, fait que c'est comme ça que vous avez commencé à dessiner. C'est bien, oui. Parce que t'es tranquille, vous ne pouviez pas faire autre chose. C'est ça, exactement. OK. C'était le début. C'était le début. Mais quand j'ai fini l'école, j'ai travaillé dans le moulin à East Angus. Oui. Puis un des gens qui était là, il a envoyé mon nom pour prendre une cours à la correspondance, oui, en illustration. Ah oui! C'est pas moi qui l'ai envoyé, c'est lui. OK! Puis quand il m'a envoyé la facture pour payer, là, j'ai dit, hey, faut que je suive le cours pour payer ça. Puis c'est lui qui m'a commencé de travailler sérieusement. OK, il vous a incité, il vous a vraiment encouragé. Il a envoyé mon nom sans me le dire. Ah, ça veut dire en plus. Ça veut dire qu'il avait vu vos dessins quand c'est ça. Je dessinais des sketchs partout en ce temps-là. Je dessinais, mais la peinture, j'en faisais pas beaucoup. OK, c'était plus du dessin. Oui, c'est ça. OK. C'était qui, ça, cette personne-là? Il s'appelle Junior Fernley. OK. Ça fait longtemps qu'il est décédé. Ah, oui. Vous deviez être vraiment reconnaissant pour lui, hein? Ah, oui. Pour la vie, dans le fond, hein? Mm-hmm. Il vous a fait confiance, puis vous le trouvez bon. Oui, c'est ça. Mais puis après ça, j'ai utilisé ça pour 3 ans. À Montréal? Non, c'est à East Angus. À East Angus comme illustrateur à East Angus? Ben non, je n'étais pas illustrateur, je travaillais dans le moulin. OK. Comme dans le laboratoire. OK. J'ai étudié pour 3 ans par la correspondance. Par correspondance, c'est ça que vous disiez tantôt. Vous avez étudié comme illustrateur 3 ans par correspondance. Puis après, j'ai fini ça, là, j'étais à Montréal pour chercher un emploi. Oui. Puis, j'ai pogné un job la première semaine que j'ai rentré. Ah oui. Puis, ben, je suis juste débutant dans un studio d'art. OK, débutant dans un studio d'art. Ah, okay. Puis c'était quoi que vous faisiez comme des... Ah, tout ça, d'avoir des annonces pour n'importe quoi. Air Canada, ça peut être le livre sélection pour faire des illustrations. Oui, que vous faites. Tout en affaire. Oui, vous illustriez beaucoup, beaucoup de choses. Ah, beaucoup, oui, de n'importe quoi, les catalogues, des livres. C'est ça, exactement. Puis vous inventiez vos sujets? C'est quoi? Vous inventiez vos illustrations? Non, ben, l'idée, c'était pas à moi. OK. Moi, je faisais juste l'illustration. OK. L'idée, ça vient d'un autre. OK. Ouais. Puis vous illustriez l'idée. Oui, c'est ça. OK. Ouais. J'ai bien aimé ça. Quand t'es jeune, là, t'es gung-ho, tu veux travailler. Mais j'ai bien aimé ça. Mais après trois, j'ai travaillé pour une trentaine d'années. Une trentaine d'années? Ben là, au fur et à mesure, l'expérience rentrait. Ben, la bonne chose, c'est qu'on faisait n'importe quoi. Du monde, des autos, des avions, des bateaux, des chevaux, n'importe quoi. OK. Tout à mesure d'être capable. C'est ça, dans le fond, c'était tout ce qui pouvait exister dans le monde. Ah oui. Ouais, autant des personnages que des voitures de locomotion ou des, la nature, les animaux. Les ordinateurs? Ouais, c'est quand ça a rentré, là. Moi, j'ai mis ces deux parties. Parce que avant ça, on faisait tout à main. Et là, ils vont avec le... Avec des logiciels d'ordinateur. Beaucoup s'est fait avec ça. Parce que nous autres, on faisait tout à main. Ça a changé beaucoup la... Votre façon de... Ben, c'était le temps, hein, nous aussi, parce que je faisais des paysages, là, puis ça, t'as encore dans le dessin, dans l'art. C'était le temps de partir. Là. Mais pendant que vous faisiez votre carrière d'illustrateur à Montréal, est-ce que vous avez commencé à faire de la peinture, là? C'est ça, oui. Oui, vous avez commencé les gens que ça là. Il y en a qui sont déjà là-dedans aussi. Là. Puis moi, j'embarque avec les autres. J'appuie beaucoup de ces gars-là. Ça veut dire que vous aviez toutes les employés, vous aviez une passion commune. C'est ça, oui. Puis vous alliez peindre à l'extérieur. Oui, c'est ça. Les paysages? Oui, c'est des paysages. Ouais. Ben, il y avait les clubs des arts à Montréal. Là. Le club des arts? Oui, j'étais un membre. Là, puis, on faisait des personnages, des lignes puis des personnages, oui. OK. Une fois par semaine, là. Puis. C'était comme un cours? Non, c'était pas un cours, juste on y allait là, puis on payait. OK, un atelier libre. Oui, oui, c'est ça, oui. OK. Fait que c'est comme ça que vous avez commencé à peindre. Okay. Vous avez développé ça, là, le goût de peindre, parce que là, c'est comme si vous passiez du crayon au pinceau. C'est ça, c'est ça. Puis, ouais. Pourquoi, est-ce que vous avez toujours peint à l'huile? Non, ça c'est juste quand j'ai commencé de faire les paysages. Avant ça, parce que l'huile, ça sèche trop. C'est lent, ça sèche pas vite. Et puis, quand t'es dans le graphiste, là, il donne le job à soir, puis il veut l'avoir le même matin. Ah oui. Il faut que ça sèche vite. OK. Là, on prend l'acrylique. OK. Ouais. Ça sèche vite. C'est ce que je comprends, c'est que dans votre carrière d'illustrateur, il fallait que vous preniez de l'acrylique pour votre travail. Ben, il y avait des magic markers aussi. C'est comme des jus, là, qui sont les couleurs. Magic markers en dehors. OK. C'est magic color. Ouais. Ouais. C'est comme... Tu fais des sketchs avec ça, là, tu peux faire ça très vite, dans 5 minutes, là, tu peux faire une sketch avec ça. OK. C'est comme un crayon feutre? C'est pas un crayon, c'est du jus. Ah oui? Ouais. Ah, je connais pas ça. C'est du jus. Il y a des belles couleurs là-dedans. Et puis, c'est très, vraiment bien ça, parce qu'on peut le mélanger ça avec de l'encre aussi. Avec de l'encre? Ouais, ah oui, ok. Non, je connais pas, c'est un produit... Comme des crayons, donc, ça c'est le... Ça, c'est un crayon, tu peux faire une belle ligne avec ça. OK. C'était ça que vous voulez... Tu prends le jus, là, puis tu peux travailler dessus le jus avec ça, là. OK. Juste quand tu veux un sketch, pas quelque chose pour reproduire, mais c'est juste pour donner des idées aux clients, ce qu'ils vont avoir. Je comprends. Un sketch vite. Comme un genre je dirais moi aussi en anglais, mais de frame, là. C'est un premier jet, là, pour montrer l'idée de ce que vous voulez faire. OK, je comprends. On appelle ça des layouts. OK, des layouts. Moi, je dis, OK. Mais je comprends très bien l'idée. Okay. Pour vous dire que ça fait bien, là, comme une esquisse qui est faite rapide pour montrer... Un croquis papier, on veut dire. Un croquis. C'est ça, oui. C'est ça. Puis quand vous avez été au Club des Arts, c'est là que vous avez appris à faire de l'huile? Non, quand j'étais fait des personnages, je faisais de l'aquarelle. OK, ça c'est plus dur. C'est plus dur, mais c'est bon parce qu'on travaille après un demi-heure sur le modèle. OK. Puis avec l'aquarelle, ça va vite. OK. Ah oui. C'est flou, puis c'est le fun. Oui. Est-ce que c'était des couleurs que vous mettiez ou c'était juste le couleur, ouais. Oui. Oui. Fait que c'est comme ça que vous avez fait de l'aquarelle, de l'acrylique. Ouais. Mais comment vous êtes venu à l'huile? Mais pour travailler dehors, là, l'hiver, l'aquarelle, ça prend de l'eau. Oui. Ça gèle. Ça gèle. Et même chose avec l'aquarelle. Ça. Mm-hmm. Oui, parce que l'aquarelle, c'est des peintures d'eau. Oui. Et quand l'huile, c'est bon dehors, là, l'hiver. Ça ne rend rien. Mm-hmm. Ça veut dire que vous peignez sur le motif l'hiver? Oui. Vous travaillez dehors aussi l'hiver? Oh oui, oh oui, souvent, oh oui. Quand il vend pas trop, là, ça peut être pas mal froid, mais quand il vend pas trop, là, c'est faisable. Ça veut dire que vous êtes équipé dans votre voiture, vous sortez votre chevalet? Non, je sors de mon chevalet, je débarque de mon voiture, puis je m'installe. Ouais. Vous avez votre chevalet portable ou des choses comme ça? Une boîte française, comme on appelle ça, French Seal. OK, une petite boîte qu'on roule. C'est un grand chalou avec des pattes, là. Oui. Puis, OK. Ouais. Fait que c'est facile à installer. Ah oui, c'est vite, hein. Même avec les mains froides. Puis vous peignez l'hiver aussi, oh, ça c'est plus rare. Mais il y avait le groupe des sept qui le faisait aussi. Ah, c'est vrai. Mm-hmm. Et quand il y en a beaucoup à cette heure aussi, j'ai des amis là, on travaille derrière l'hiver aussi. Ouais. Ah. Vous vous rencontrez, ça veut dire que vous sillonnez la province pour trouver des paysages? Ben, un peu partout, mais le saint projet, je viens juste de Saint-Paul. Oui. Et on a travaillé là pour 4 jours. Hein, puis, des gars qui viennent d'Ontario, puis un peu partout, Montréal, Ottawa. Hein. Puis peut-être aussi de Magog, je pense que... Ben, il était supposé venir, un gars de Magog, mais il n'est pas venu, Gilles Rousseau. Je ne sais pas si... Je n'ai pas téléphoné pour qu'il n'est pas venu. Non, c'est ça, je sais que vous, dans le fond, c'est le même groupe qui vous déplacez pour faire ensemble, pour faire des choses. Ben, il y a toujours des nouveaux. Il y a toujours des nouveaux? Ah, il y a toujours des nouveaux. Qui arrivent, puis il embarque là-dedans. Puis là, vous réunissez à la même place aussi, vous dispersez? Ben, on c'est drôle parce que des fois, le matin, on part avec 8-10 autos en ligne, là, ah, puis, oui? Puis on s'installe dans le champ de la famille, puis mm-hmm. il demande ce qui se passe. Ben oui, oui. C'est bon. Ah oui, c'est bon. Ça veut dire que vous en faites tout le temps, là? Ça fait 30 ans que j'ai là. Que vous faites la peinture à l'huile. Bien que j'ai l'an Saint-Jean le mois d'avril pour peinturer. Comment pour, vous dites? Pour faire 30 ans que... Que vous faites ça, que vous faites des paysages. Avec les autres. Avec des artistes. Mais c'est sûr que c'est motivant hein, d'être ensemble. Plus que parce que quand on fait de la peinture, on est souvent isolé dans notre atelier. Oui, c'est ça. Puis on n'a pas les échanges. C'est là, c'est le même qu'on apprend aussi. C'est le même qu'on apprend avec les échanges. On est moins solitaire. C'est bien. Puis, dans vos couleurs, moi, vos couleurs sont vraiment uniques au monde parce qu'on peut vous reconnaître parmi des centaines et des centaines de toiles, parmi toute une panoplie de tableaux qui est autour, on peut vous reconnaître. Quelles sont les couleurs que vous utilisez régulièrement? Qui vous caractérise autant? Moi, c'est plus des couleurs de la terre. De la terre? Ouais, c'est des bruns, des orques. Mm-hmm. Mais je trouve plus en plus, là, je commence à mettre plus de couleurs là-dedans. Ouais. Plus de, comme, du rouge, de l'orange? C'est rare que je mette du rouge. OK, ouais. Mais j'ai jamais vu ça. Mm-hmm. Parce que, si tu mets un point rouge dans une toile, là, faut que le reste de la toile va avec, hein? Oui. Puis, ça donne l'air avec le rouge. À suivre.